Chapitre 10. Dès les premières étapes, François Chausserouge apprécia pour quelle large part l'expérience paternelle avait contribué à la prospérité de l'établissement. Lors de la première tournée, il s'était toujours déchargé sur le vieux dompteur du soin de l'administration. Maintenant, c'était à Jean Tabary qu'était échue cette tâche plus lourde qu'on ne le supposait. Or, bien que le jeune homme apportât dans l'accomplissement de ses devoirs une réelle conscience, son ignorance des petits détails du métier lui faisait commettre mille maladresses. Il était en outre insuffisamment secondé par le nouveau personnel qu'il avait recruté. Aussi le succès des premières représentations, qui furent données sans ressentit-il. La publicité était mal faite, les emplacements mal choisis, l'installation défectueuse. Ou bien le service des vivres était mal assuré, et il arriva par deux fois qu'on dut, à défaut de viande de cheval, mettre à sac les boucheries pour nourrir les animaux. C'était dépenser en pure perte non seulement le bénéfice, mais les deux tiers de la recette. Et au bout de 3 semaines de voyage, après plusieurs séjours, il se trouva que les frais n'ayant pas été couverts, il fallut attaquer la caisse de réserve. De plus, les animaux confiés à des mains inexpérimentées ne recevaient plus les soins indispensables. Déshabitués des longues pérégrinations, plusieurs tombèrent malades, et un lion même succomba un peu avant d'arriver à Lyon. Chausserouge comptait se refaire dans cette ville, en y donnant une longue série de représentations. Mais il n'atteignit pas le résultat espéré. Et au moment où il se préparait à continuer son chemin, une circonstance survint, qui le força à prolonger son séjour. Amélie, qui vaillamment jusqu'à ce jour, avait supporté sans se plaindre les fatigues de la route due salité. Son état empira, et le médecin, appelé aussitôt, ne jugea pas qu'il fût possible, malgré le courage qu'elle montrait, de repartir avant un mois. Il ne pouvait venir à la pensée de Chausserouge de laisser sa femme dans une maison de santé ou un hôpital, puisque c'était pour elle qu'il avait entrepris cette longue tournée. Il retarda donc son départ, et ce fut pour rétablissement un désastre d'autant plus grand que, bien que la curiosité des Lyonnais fût émoussée et qu'il ne fût plus possible de compter sur de nouvelles recettes, il fallait néanmoins subvenir à l'entretien et aux frais si considérables que comporte une ménagerie comptant plus de 60 pensionnaires, hommes ou bêtes. Chausserouge montra dans cette circonstance une abnégation et une résignation qui toucha profondément la jeune femme et lui fit presque oublier un passé qui pourtant lui avait été bien pénible. C'est alors qu'elle se surprit peu à peu à ne plus mépriser autant Louise Tabary. Sans se calmer, son ressentiment s'apaisait. Elle était femme, elle avait aimé son mari. Malgré ses torts, elle le chérissait encore, et elle comprenait qu'une autre femme ait pu aimer François. Sa jalousie et son respect de la foi jurée lui faisaient blâmer cette liaison coupable. Mais dans son besoin de pardonner, elle mit la faiblesse du dompteur sur le compte de la nature humaine, si prompte aux caprices et aux désirs irraisonnés. Au fond, il l'aimait bien. Il venait de le lui prouver, en n'hésitant pas à sacrifier pour un temps sa passion. Et elle ne put s'empêcher de savoir gré à Louise d'avoir été l'instigatrice de cette résolution. Cette excessive indulgence venant après les révoltes des premiers instants, ses doutes sur le mobile, qui avait poussé la Tabary à suggérer à son amant l'idée de se déplacer d'elle et d'obéir au conseil du médecin, faisant ainsi preuve d'une abnégation rare chez une amoureuse, s'expliquait par l'état maladif où elle se trouvait, un secret pressentiment peut-être de sa fin prochaine et inéluctable. Pendant les longues heures qu'elle passait seule, étendue sur son lit de douleur, sa pensée s'égarait. Elle revivait les heures passées, et l'excès de misère d'autrefois lui faisait trouver bien doux les soins attentifs dont elle était à présent l'objet. Elle en arrivait à juger presque légitime le besoin qu'éprouvait Chausserouge d'aller chercher ailleurs un aliment à sa passion, puisque sa santé lui interdisait désormais de lui donner les satisfactions qu'il était en droit d'attendre de sa femme. D'ailleurs, puisqu'elle restait son amie, sa meilleure amie, la mère de son enfant, puisqu'il l'aimait avec son cœur, comme il venait de le lui prouver victorieusement, était-il juste de lui faire un crime irrémissible d'en aimer une autre avec ses sens? Ce fut un phénomène curieux, bien fait pour exciter la sagacité des philosophes, que ce revirement subit chez la pauvre malade. Elle se trouvait heureuse, après tant de déboires, d'une situation qu'elle n'était pas maîtresse de changer, et contre laquelle, quelques mois plus tôt, elle s'était élevée avec indignation et violence. Le même revirement s'opéra en même temps chez Chausserouge, et ces deux êtres se comprirent sans se donner le mot. Durant les longues heures qu'il passait près de sa femme, plus tendre et plus dévoué qu'il ne l'avait jamais été, il parlait de Louise Tabary, de ses qualités, de sa franchise, des remords qu'elle avait montrés, de ses hésitations, et Amélie l'écoutait, sinon avec plaisir, du moins avec intérêt. Cette femme, pensait-elle, a suivi l'impulsion qui la poussait vers mon mari. Elle a cédé, non sans avoir lutté, et elle a fait son possible pour faire oublier le chagrin qu'elle m'avait causé. Eh bien, mon Dieu, puisque fatalement Chausserouge était destinée, de par son tempérament, à avoir d'illégitimes faiblesses, il valait mieux pour elle qu'il se fût rencontré avec cette femme trop facile peut-être, mais que la sincérité de sa passion excusait jusqu'à un certain point. Certainement, Louise Tabary était calomniée, car elle avait du cœur. Et comme Jean faisait preuve depuis quelque temps à son égard d'une condescendance à laquelle il ne l'avait pas habitué, lui témoignait des marques d'intérêt, qui la touchaient comme en outre il affectait, malgré les embarras qu'avait suscité son administration défectueuse, un grand dévouement à la cause commune. Elle revint peu à peu sur ses préventions à son égard. Mais la paix ne régnait pas moins dans le ménage, à ce point que l'aveu lui-même du prêt important que le dompteur avait consenti à Louise Tabary avant son départ ne souleva de la part de la jeune femme aucune objection. Elle ne pouvait qu'approuver son mari, puisqu'il avait cru bien faire. Bref, Chausserouge eût été le plus heureux des hommes si d'une part il eût pu concevoir l'espérance du rétablissement de sa femme, et si la prospérité de la ménagerie n'eût reçu aucun accroc. Mais il ne faisait qu'entrer malheureusement, et il ne fut pas long à s'en apercevoir, dans une période de déveine. Un mieux sensible dû peut-être à la phase de quiétude morale dans laquelle vivait Amélie s'étant manifesté, il donna l'ordre du départ, et le convoi reprit la route du midi. Nulle part, et pas même dans les villes sur lesquelles il comptait le plus, il ne retrouva son succès d'autrefois. Il ne pouvait comprendre pour quel motif une froideur dédaigneuse remplaçait aujourd'hui l'enthousiasme des anciennes années. C'était pourtant le même spectacle, augmenté d'attractions inédites, le même travail. Peut-être était-on blasé sur ce genre de divertissement. Toujours est-il qu'il continuait à ne faire que des recettes dérisoires, insuffisantes même pour couvrir les frais. Partout des demi-salles, un public sceptique qui ne parvenait à émouvoir ni la témérité de ses exercices, ni le dressage d'animaux jusque-là réputés indomptables. Bref, il vint un jour, ou sinon réduit aux expédients, du moins très gêné, il dut écrire à Louise Tabary et la priver de lui venir en aide en lui restituant une partie des sommes qu'il avait avancées. Mais à Paris non plus, les affaires n'allaient pas. Louise avait employé son argent comme il était convenu. Elle avait fait de grands frais, agrandi son établissement, doublé, triplé son personnel. Le succès n'avait pas récompensé son effort, et Boyerouge restait le maître de l'entresort le plus fréquenté et le plus à la mode de tout le voyage. Pourtant, elle n'avait rien négligé pour amener la vogue. Elle restait dans une situation identique, n'ayant pas encore perdu d'argent, mais se demandant si elle arriverait à en gagner. Dans ces conditions et à son grand regret, il lui était impossible de répondre à la demande du dompteur et de mettre aucune somme à sa disposition. Cependant, il fallait en sortir. Le dompteur ne voulait pas s'exposer à rester en panne avec sa ménagerie, loin de tout secours, dans un pays inconnu, où il n'avait aucun crédit à attendre. Il se consulta avec sa femme, et Jean Tabary, et d'un commun accord, il fut décidé qu'il se rendrait à Paris, et que là il s'arrangerait pour contracter un emprunt qui lui permit de faire face aux obligations qui lui incombaient, en attendant une campagne plus heureuse. Le plus simple, dit Jean, ce sera de t'adresser à Vermieux. Il a prêté à bien d'autres sur le voyage, puisque c'est son état. Il sait qui tu es. Il n'ignore pas que ton établissement vaut de l'argent. Tu auras de lui ce que tu voudras. Un usurier, dit Chausserouge en faisant la grimace. Usurier, usurier, tant que tu voudras. Mais tu seras encore bien content de le trouver. Ma mère le connaît. Elle pourra te mettre en rapport avec lui. C'est le seul qui puisse te tirer d'affaire. Profitant de son séjour à Sète, où il n'avait pas l'espoir de réaliser des bénéfices, il sauta en express et partit pour Paris. Il tomba à l'improviste chez Louise Tabary. Après l'effusion des premiers instants, après qu'il eut donné des nouvelles de sa femme, il expliqua sa situation embarrassée. Justement, un nouveau revers et bien inattendu venait de frapper Louise. Un nouveau règlement de police concernant les fêtes foraines venait d'être mis en vigueur, et les conditions imposées à l'industrie, dites des entresorts, étaient à ce point inacceptables qu'elles allaient rendre impossible l'exercice de la profession, si elles étaient appliquées dans toute leur rigueur. Ah, quand la malchance s'en mêlait, ce n'était jamais fini. En ce qui concernait l'intention de Chausserouge, Louise Tabary fut de l'avis de son fils. Il fallait s'adresser à Vermieux, qui justement était à Paris, en train d'opérer divers recouvrements. Et tu as de la chance, conclut-elle, car il passe la moitié de son temps dans son pays en Auvergne. Il ne revient qu'à l'époque des échéances. J'aurai recours à lui, évidemment, dit Chausserouge, s'il m'est impossible de faire autrement. Mais auparavant, je veux épuiser tous les autres moyens qui peuvent s'offrir à moi. Or, pendant la route, j'ai eu une idée. Si je réussis dans l'entreprise que je vais tenter, je serai soutenu bien mieux que je ne pourrais l'être par Vermieux, et en même temps cela me coûtera moins cher. Voilà, par ma mère je suis Ramoni. Tu sais qu'il existe, sur tout le voyage, entre Ramoni, une sorte de franc-maçonnerie, qui les oblige à se soutenir mutuellement. De là leur grande force qui les met à l'abri de la misère, bien que tous les membres appartenant à cette race soient éparpillés sur tous les points de la France. Ils forment une association occulte, qui a pour chef Lamberti, le directeur du miroir magique. C'est lui leur pape, ou leur roi, et ils lui obéissent, bien qu'il affecte des allures tout à fait différentes. À le voir, on le prendrait pour un beau monsieur, et rien ne pourrait faire supposer l'influence qu'il exerce et le pouvoir dont il dispose. En dehors de sa fortune personnelle, il a la garde de la caisse de réserve. Car il y a une caisse qui s'alimente, je ne sais comment, et qui est destinée à venir en aide aux frères malheureux. Moi, je ne lui demanderai pas un secours, mais un prêt, avec hypothèque sur mon établissement. Il ne court aucun risque, et je ne prévois pas qu'il puisse me refuser. Il était très bien avec mon père, il a assisté à mon mariage. Le jour où nous avons réuni pour le célébrer tout le voyage au salon des familles à Saint-Mandé, il était là. C'était un temps dont on aime à se souvenir. Nous étions heureux alors. Je le lui rappellerai. Oui, décidément, ça ne me coûtera rien. J'aime mieux ça. Louise Tabary hoche à la tête d'un air de doute. Mon cher ami, je connais les Ramoni aussi bien que toi. Sans doute, ils s'entraident au besoin. Mais il faut pour cela être de leur race. Tu n'en es qu'à moitié. Par ta mère et puis ta prospérité qui ne s'était pas démentie jusqu'à ce jour, t'as fait des jaloux. On ne sera pas fâché, et Lamberti le premier de te savoir dans la crotte et on t'y laissera. On trouvera des prétextes pour te refuser, d'autant plus facilement que c'est un service que tu demandes. Tandis qu'avec Vermieux, c'est une affaire que tu règles. Il ne te fait pas de faveur, il gagne sur toi, tous deux vous y trouvez votre compte, et vous ne vous devez rien l'un à l'autre. Crois-moi, ne perds pas de temps, et abouche-toi tout de suite avec Vermieux. Mais Chausserouge persista, il tenait à son idée. Le lendemain, il se présentait chez Lamberti, installé pour le moment sur le boulevard Clichy. Lamberti était un homme gros et court. Un élan crochu partageait en deux son visage, et ses joues étaient ornées d'une paire de favoris poivre et sel, très épais et célèbres sur tout le voyage. Une lourde chaîne de montre en or, ornée de breloques et de cornes de corail, s'étalait sur son ventre légèrement bedonnant. Ses doigts velus, gros et courts, étaient surchargés de bagues. Indépendamment de la royauté qu'on lui attribuait, il jouissait d'une grande influence parmi les forains qui n'étaient pas de sa race. On le craignait. À voir avec quelle facilité il obtenait les permissions et les autorisations qu'il demandait, on le soupçonnait d'avoir des attaches avec la police. La vérité était que Lamberti, doué d'une intelligence peu commune et d'une activité sans pareille, connaissait son métier à fond et qu'il mettait les facultés les plus rares au service de son état. Il était possesseur de plusieurs baraques qui fonctionnaient simultanément, et personne mieux que lui ne savait prévoir la mode, découvrir et mettre en œuvre des attractions nouvelles. Il avait pour principe qu'il ne faut jamais fatiguer le public, tenir toujours sa curiosité en éveil, en apportant constamment une amélioration nouvelle à chacun des trucs dont il était l'infatigable inventeur. De là son succès. Et si on le jalousait, on le jalousait tout bas, car on le savait homme à ne jamais oublier une injure, ni un mauvais procédé. Chausserouge le trouva dans sa caravane, occupé à se raser le menton, qu'il avait bleu comme un menton de cabot. Lamberti reçut le dompteur avec de grandes démonstrations d'amitié, lui prodiguant les marques de sa sympathie, à ce point que dès le premier abord, François augura très bien du résultat de sa démarche. Mais dès que celui-ci aborda le récit de sa situation embarrassée, qui le faisait avoir recours à lui, le visage de Lamberti se rembrunit visiblement. Quand il en vint à solliciter carrément le prêt d'une somme de 10 000 francs, indispensable pour faire face à ses affaires, une impassibilité glaciale remplaça l'enjouement de la première minute chez le roi des Ramoni, qui donnait à ce moment les derniers soins à sa toilette. Il réfléchit un instant, puis « Mon cher ami, dit-il à François, vous savez, je n'en doute pas combien est grand mon désir de vous être agréable. Vous ne seriez pas ici sans cela. J'ai beaucoup connu votre père, qui était un brave homme, un honnête homme dans toute l'acception du mot, et dont le nom restera comme une des gloires du voyage. Je l'aimais beaucoup, et il me le rendait un peu. J'ai connu également votre mère, une digne femme. et ma famille était même alliée avec ses parents. Toute chose que l'on n'oublie pas. Ce préambule pour arriver à vous dire que si je voyais la possibilité de vous rendre service, j'en serais trop heureux. Je suis rond en affaires, je vous dirai. Vous avez besoin de 10 000 francs? Je les ai, les voilà. Vous me les rendrez quand vous pourrez. Nous toperions et ce serait fait. Avec vous, je ne serais pas inquiet. Malheureusement, il m'est impossible de vous faire la moindre avance. On se méprend beaucoup sur ma situation de fortune. On me croit très riche, parce que je travaille beaucoup, parce qu'on voit mon nom partout, parce que je suis propriétaire de plusieurs établissements. On a tort. Et c'est justement pour cela que je ne puis disposer d'un sou. Tout mon capital est éparpillé. C'est ainsi que je viens de mettre en œuvre différents trucs qui me coûtent les yeux de la tête. Un mer sur terre, avec machine à vapeur, tangage et roulis, perfectionnement de mon invention, de plus un chemin de l'amour, une idée extraordinaire, mais prendra-t-elle? Un tonneau énorme percé au debout, dans lequel sont disposées des banquettes, sur lesquelles on attache les clients, hommes et femmes, et on roule le tout. C'est très drôle, mais ça donne mal au cœur. C'est justement ce qui m'inquiète, à moins que ce ne soit là une cause de succès. Bref, tous ces essais me coûtent gros et mon argent s'est immobilisé. Je vous raconte tout cela, mon cher ami, pour bien vous faire comprendre qu'il n'y a pas de ma part mauvaise volonté, bien au contraire, seulement... Sur ces mots, il s'interrompit, compléta sa phrase d'un geste découragé et se leva pour couper court, puis voulant donner une conclusion définitive à sa tirade, dont il ne savait comment sortir sans se répéter, il tendit sa main au dompteur. Sans rancune, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas là l'affaire de Chaussures Rouges. Il insista, affectant de ne pas comprendre que Lamberti lui ait donné congé. « Je suis trop du métier, répliqua-t-il, pour ne pas comprendre que vous avez des charges, des obligations, et que le nombre et la variété de vos diverses entreprises ne vous permettent pas de disposer personnellement d'une somme aussi importante. Aussi, en venant vous trouver, ce n'était pas à Lamberti que je voulais m'adresser, mais à celui qu'avec raison, nous considérons, nous autres Ramoni, comme notre chef. Moi aussi, vous le savez, je suis Ramoni par ma mère. » Et je n'ignore pas qu'il est de tradition parmi ceux de notre race de nous venir mutuellement en aide. Je n'ignore pas non plus que vous êtes le dispensateur suprême. Notez d'ailleurs que ma demande, si elle est agréée, ne videra pas la caisse commune. Ce n'est pas un secours, mais un simple prêt que je sollicite, remboursable aux époques qu'il vous conviendra, et garanti par une hypothèque sur mon établissement. Lamberti parut très visiblement ennuyé de la tournure que prenait l'entretien. Il réfléchit un instant, puis avec un sourire contraint. Nous entrons dans un ordre d'idées tout différent. Mais tout d'abord, laissez-moi rectifier quelques petites erreurs. Je ne suis pas, comme vous le dites, le roi ni le chef suprême des Ramoni. Ma situation sur le voyage, l'origine de ma famille, me donne seulement une certaine autorité sur mes compatriotes. Ils me marquent de la confiance. Ils me choisissent pour arbitre dans leurs contestations privées. Ils m'ont institué leur trésorier, et c'est moi qui suis chargé de répartir, entre les plus nécessiteux, certains fonds dont j'ai en effet la disposition. Mais il y a loin de cette situation à la royauté absolue que vous m'attribuez. Je dois compte de mes actes. Je ne suis que le gardien fidèle des usages et des coutumes de nos pères. Eh bien, à ce titre encore, je ne puis vous venir en aide, attendu que vous ne remplissez pas les conditions. D'abord, vous n'êtes pas dans la misère. Vous avez une surface, une installation qui vaut de l'argent. Et les sommes qui vous seraient confiées manqueraient à ceux de nos frères, qui sont dans le besoin. Nous sommes une société de secours, non un établissement de prêt. De plus, et c'est la même, la principale et la meilleure raison, vous n'êtes pas des nôtres, vous n'êtes pas Maroni. Je vous demande pardon, répliqua vivement Chaussures Rouges, ma mère était une vraie Ramoni, et vous venez de me dire que sa famille était alliée avec la vôtre. C'est possible, mais votre mère est morte depuis longtemps. Votre père était originaire d'Auvergne, non du pays de Bohême. Et le jour où, contrairement aux coutumes de notre pays, Maria a épousé Chaussures Rouges, elle s'est séparée à tout jamais de ses frères, pour prendre la nationalité de son mari. Et elle pouvait même s'estimer heureuse de n'avoir pas attiré sur sa tête les malédictions et les anathèmes de ses corrélégionnaires. Et Lamberti, pour mieux convaincre son interlocuteur, rappela en quelques mots les bases fondamentales sur lesquelles s'appuyaient, depuis un temps immémorial, les usages des Ramoni. Chassés de leur pays, condamnés à une existence nomade, ils avaient néanmoins conservé leur autonomie, leur indépendance, parce qu'ils avaient su s'astreindre à une rigoureuse et sévère observation des traditions.